tu vas cartonner. Pardonner. Bombarde-les. Cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés. On m'a dit un jour, mec, tu vas cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés. Tu sais, mon destin, moi j'ai rien fait pour qu'il soit meilleur. Je respecte pas le Coran, j'ai la couronne du grand con. Demain, je sais pas ce que je fais. Hier, c'était la même. Ce soir, au stud avec mes frères à part. Ça, c'est la merde. Oh, destinée. Si j'aurais pu te dessiner, t'aurais une tête de ah. Oh, deviner. Ne va pas dire au mec tout. Attrape-moi si tu peux. Il est devant et derrière toi. Bafuis-le si tu peux. Ouais, faut rester sur le banc. Attendre le bon train. Et si t'es pressé sur les rails, prends le prochain. Tu sais ce qu'on est. Ce qui arrive, faut assumer. Moi, je récolterai tout ce que j'ai semé. Quoi qu'il arrive, hein, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, j'ai signé mon premier contrat d'artiste. Pax, ténor, Hornet, destiné, destiné, je sens que je vais morfler. Yeah. On m'a dit un jour, mec, tu vas cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés. On m'a dit un jour, mec, tu vas cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés. Mec, on rêve toujours de se caser. On traîne dans des cages escaliers. On finira tous se caser. 93 kilos le casier. On paye pour nos pour casser, nos destins reflètent nos casiers. La France te jette à l'eau, tu crois que t'es chaud, c'est pour mieux taser. F2 entassé, mon destin attaché. Bracelet sans lacet, mon album que serait sans lacet. Mon destin, busta, festa, testa, en reste, n'est-ce pas. Youp qui paye son kefta. Mon destin entre les mains, coup d'extinct entre les mannes. La frappe entre les nazes venue détrôner Nike. Mon destin est flou, maman me prend pour un fou. Carlito, prends-moi, dealer Cornette, c'est un four. J'essaye de faire la diff, je suis un vrai, fais-moi la bise. Pour monter sur la piste, faut pas que ton destin pue la bite. Je deviens cru, car la vie m'a pas offert la joie. Grandi dans la rue, on a des destins de villageois. On m'a dit un jour, mec, tu vas cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés. On m'a dit un jour, mec, tu vas cartonner. Le destin le sait, j'ai commencé à pardonner. Ceux qui croient pas en toi vont pardonner. Destin écrit sur une feuille entourée de barbelés.